premier accord, c'est un do dièse, si tu veux, parce que j'ai un capot d'astre à la guitare. C'est en do, mon premier accord, c'est un do dièse, si tu veux. Si tu veux, c'est transposé, si tu veux. Enfin, c'est transposé d'un demi-ton au lieu d'être en do. Si tu veux, c'est comme si j'ai le capot d'astre, si tu veux, à la guitare. Donc, si tu veux, c'est tout est transposé d'un demi-ton, si tu veux. C'est comme si. Et ouais. Non, je pourrais enlever le capot d'astre. Ça serait peut-être plus simple pour toi. Enfin, tu me dis, si c'est trop compliqué pour toi, j'enlève le capot d'astre. Mais moi, vocalement, je suis bien. Je t'aime. Ouais. Donc, si tu veux, c'est première. Après, c'est la si do ré mi quinte. Donc là, c'est do ré mi fa sol la quinte. Après, ça passe à tierce. Tu redescends à tierce. Tierce. Après, donc ça. Quinte, tierce. Après, c'est facile. Hein. Quinte, tierce. C'est la mineur, si tu veux. Quinte tierce, c'est après ça, c'est la quinte tierce. Sol. C'est la mineur, mi mineur, sol. Si tu veux, donc, si tu veux, c'est première, c'est tierce, quinte, c'est les classiques, quoi. Sauf que c'est pas. Enfin, c'est pas difficile. Hein. Mais c'est vrai que c'est. Ouais. Donc je vais te donner les accords, tout simplement, ça sera plus simple. La mineur, donc, alors. Je te donne les accords, c'est simple. Alors, c'est do dièse. Do dièse, ensuite. Do dièse, après, c'est. Tu m'entends, studio? Attends. Sol dièse, do dièse, on est pas en direct. Tu m'entends? Tu m'entends pas encore. Attends, on va se mettre le micro cool. Live. Il faut à tout prix qu'on sache le nombre de mesures. Si, je t'entends, ça y est. Dis-moi mineur, majeur, septième. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas encore compté.